clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. Добра утра, братья! Ou plutôt, bonsoir à tous. C'est ça, la traduction, exactement. Bonsoir, Nathalie, tu es rescapée du froid sibérien qui s'est abattu sur nous le mercredi dernier. C'est ça, je vais en profiter pour vous souhaiter à tous une bonne année. J'ai pas eu l'occasion la semaine dernière. Par contre, toi, tu as traversé la neige et tous les affres du froid pour venir faire l'émission, bravo. Oui, donc effectivement, c'était un peu une émission en solo que je vous avais présentée la semaine dernière, mais heureusement, nous sommes réunis ce soir. Bienvenue à vous tous, et vous êtes bien dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Et ce soir, donc à l'annonce, alors que le réveillon russe se profile ce week-end à l'horizon, eh bien, on avait envie de faire une petite émission spéciale, notre première émission spéciale, consacrée à ces pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale qui vivent un petit peu dans un calendrier décalé, puisque leur nouvel an se trouve souvent à la mi-janvier. Alors, ce sera une émission spéciale consacrée à la scène dark des pays slaves. On fait volontairement l'impasse sur les groupes de Roumanie, des Pays-Baltes ou de Hongrie, mais ce sera pour mieux vous en ramener dans une prochaine émission. Faites-nous confiance. Et à l'instant, c'était un thème que vous connaissez tous en introduction de cette émission, puisque c'était Korobei Nikki, le titre, ce morceau du folklore russe célébrissime qui avait notamment servi pour la bande originale du jeu vidéo célébrissime lui aussi, Tetris, bien entendu, vous l'aurez reconnu, et c'était repris par Ozma, un groupe qui lui n'a rien de russe par contre, puisqu'il est californien. Néanmoins, ce soir, on va faire le tour de ces pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, et pour le coup, on reste en Europe centrale avec un groupe croate, un groupe de Zagreb, qui s'appelle Fantasma Goria, et qui fait une post-punk assez sympa. J'avais envie de vous faire découvrir ça avec le morceau, pardonnez ma prononciation, Djevojka ad Bronze. We'll be right back. À l'instant, le groupe Phantasmagoria avec le morceau Djevojka Odbranche ou Odbranche, je serais incapable de vous le prononcer correctement, je serais tout aussi incapable de vous le traduire, pardonnez-moi, puisque c'est un groupe croate, un groupe de Zagreb qui s'est formé à la fin des années 80, donc dans la vague post-punk, et qui, malgré les aléas de l'histoire de Yougoslave, entre la guerre et les différents soucis qu'il y a eu de ce côté-là, ont réussi, vaille que vaille, quand même à jouer dans des festivals goth à la Leipzig ou à Dresde, et qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui continue de nous servir des petites perles post-punk comme celle que vous venez d'écouter. Et du post-punk, on va passer maintenant au cyberpunk avec un groupe que tu nous as ramené, Nathalie. Oui, on va monter un petit peu en énergie. Alors non, ça va pas être Chantal Goya, même si on me l'a souvent demandé. Ça va être Nexus 6 ou Nexus 6. Alors certains auront reconnu dans ce groupe russe une petite influence à la Blade Runner, hein, voilà. Donc je vous mène maintenant en écoute le petit titre Fly A71. We'll be right back. seront immergés. Pure obscur. Les musiques dark sur Rage. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. À l'instant, le groupe Nevid avec le morceau Ofsien tiré de l'album Yarga sorti en 2007. J'ai l'air de vous sortir des mots comme si je les connaissais là, mais en fait pas du tout, puisque quand je me suis intéressé à ce groupe là à l'époque où il sortait cet album, donc Yarga en 2007, j'étais allé sur leur site web et pas de bol pour moi, il n'y avait pas de version anglaise du site, c'était tout écrit en cyrillique. En russe autrement dit, et c'est vrai que j'ai galéré comme un malade pour réussir à vous trouver cette petite perle de folk metal. En tout cas moi j'aime beaucoup et... C'est très très sympa le petit contraste, petite voix, grosse guitare, j'aime beaucoup. C'est vrai, et ils sont manifestement assez doués, les Russes plus particulièrement, pour ce genre de groupe là, puisqu'il y a aussi dans le même registre et un petit peu plus loin, Arkona, le groupe Arkona qu'on vous ramènera dans une prochaine émission, ne vous en faites pas. Et donc ce groupe Nevid, j'avais été obligé d'utiliser un dictionnaire en ligne pour traduire fastidieusement, mot, lettre à lettre, devrais-je dire, les titres des pistes de leur dernier album, et c'est un petit bonheur. Et on va rester du côté de l'Europe de l'Est, mais on va passer en Ukraine ce coup-ci avec un autre groupe qui me tient vraiment à cœur, puisqu'il s'agit de deux petites Ukrainiennes qui sont vraiment magiques, autant dans leur apparence que dans leur chant et leur instrumentation, puisqu'il s'agit du groupe Fleur. Un duo à la base, puisqu'il est composé de Elena Voynarovskaya et Olga Pulatova, qui se sont rencontrés à Odessa, donc sur les rives de la mer Noire, et qui ont créé ce groupe, donc Fleur, en 1998. Et elles ont utilisé un mot français pour désigner le groupe. J'imagine que la base c'est exotique, mais en même temps c'est un très joli mot, donc pourquoi s'en priver ? Et elles ont sorti quelques albums sur le label Précosnevénien, un label français basé à Nantes et qui m'a permis de faire de très très belles découvertes. On vous en ramènera quelques-unes ce soir. Et moi je vous propose de découvrir un extrait de leur troisième album, l'avant-dernier, le dernier qui a été distribué en France en tout cas. Et ça s'appelle Vreznaya Volna, en français ça veut dire vague de feu. Alors est-ce que ce sont inspirés de l'incident de Tchernobyl, l'incident ? Je suis bête. L'accident, le terrible tragédie de Tchernobyl pour écrire ce morceau-là, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un morceau qui me fait une forte impression. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Les deux Ukrainiennes du groupe Fleur et leurs nombreux musiciens dont elles s'accompagnent. À l'instant, c'était Donc Fleur, ce groupe ukrainien que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, avec le morceau Vriznaya Volna. Pour l'exportation, elles l'ont rebaptisé Explosion Wave, mais peu importe, finalement c'était sur l'album Siyanie, sorti en 2005, et édité par le label Prekosnovenie. Ça veut dire quoi déjà en russe, Prekosnovenie? C'est joli, hein. Voilà, et effectivement, c'est un label qui nous apporte beaucoup de petites merveilles musicales, dont une qui t'a particulièrement touchée. Oui, alors c'est un titre d'ailleurs qu'on peut retrouver sur le site du fameux label, et ça vient tout juste de sortir, c'est sorti fin de l'année 2008, là, donc c'est tout récent, ça s'appelle Moon Far Away, ce sont des Russes, avec un titre qui est relativement court au niveau de la durée, mais vraiment vraiment intense, qui se nomme aussi Deus Amet Poelam. Right. bonsoir si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bien dans Clair Obscur sur Rage. Vous nous écoutez sur le 90.3 dans le Vaucluse, sur le 102.5 dans le Gard et l'Hérault, et sur le www.rage.fr si vous êtes à Stockholm ou bien à Johannesburg. Et on vous fait un gros bisou si vous êtes là-bas aussi. À l'instant, c'était un groupe serbe du nom de Diluvium avec le morceau Crystal Hopes, qui était enchaîné avec un morceau que nous avait ramené Nathalie, Moon Far Away, qui était... Et c'était donc le morceau Deus Amet Puellam, un titre latin sorti sur le label Precos Novenie. Alors, petite info pour ceux qui voudraient réécouter un titre qu'on passe ce soir, parce que c'est peut-être pas des choses qu'on va entendre tous les jours. On va, de toute façon, vous aurez les playlists à disposition sur le forum de Rage et sur la page MySpace de l'émission. Voilà, donc si vous voulez retrouver quelque chose, vous n'hésitez pas, ou même vous nous envoyez un petit mot, c'est avec plaisir. Où vous pouvez nous attendre à la sortie du studio sans nous faire peur, évidemment. On est toujours à votre disposition, notamment sur Internet. Et donc là, on était avec un groupe serbe que m'a fait découvrir un de mes contacts Internet, d'ailleurs. Quand on pense aux Serbes dans les actualités, c'est toujours pour dire des choses assez négatives, du genre, c'est tous des fachos derrière leur Milosevic, etc. Et la réalité, choses, voilà. Voilà, la réalité est quand même un peu plus nuancée que ce discours journalistique, et ça me fait plaisir de vous amener un groupe qui s'inspire donc vaguement de Within Temptation ou de tous ces groupes de métal atmosphérique et métal symphonique. Qui est de la ville de Nice, qui est à 50 bornes au sud de Belgrade, il me semble. Et donc, c'était une petite découverte musicale pour moi, peut-être que ça l'a été aussi pour vous. Et on va rester dans la musique des Balkans, dont on connaît partir, plutôt Goran Bregovic, mais ce sera ce coup-ci en Bulgarie. Et oui, on continue le voyage. Tu nous emmènes où ? On continue en Bulgarie avec le groupe Voivoda. Donc, pour la traduction, le Voivode, c'était quand même le chef des armées. Donc, c'était pas n'importe qui. Il me semble que d'ailleurs, Dracula était. Le comte Dracula était Voivode de Valaki, quoi. C'était son titre nobiliaire. C'était pas n'importe qui, oui. Et en fait, donc voilà, moi je vous ai ramené le titre. On va rester dans le côté pays de l'Est. On continue le voyage, comme j'ai dit, avec le titre Balkan Whispers. Un petit titre très sympathique. Je vous laisse écouter. Vous me direz ce que vous en pensez. Thank you. Mais je sais quoi dire sur la mort. La mort, c'est rouge, et puis c'est bleu, et puis c'est froid. Et par-dessus tout, ça devient un silence. Clair, obscur. C'était Caprice, quatuor moscovite, spécialisé à la base dans les cordes, deux garçons, deux filles, qui nagent aussi bien dans le classique, le progressif, le gothique. Vraiment très très agréable, je sais pas vous, mais moi j'adore. À présent, on va changer un petit peu d'ambiance, tout en restant quand même dans l'ambiance progressive. Avec un groupe, on part en Pologne. Ça y est, on quitte un petit peu la Russie et on change, on part pour la Pologne avec Indukti et le titre Frieder. Je vous laisse l'écoute. Titre peu connu actuellement, mais franchement, il y a vraiment à découvrir. Donc comme je vous ai dit, si vraiment vous avez envie de voir les choses, de les réécouter, n'hésitez pas, faites un tour sur le forum de Rage. Thank you. à l'instant dans vos oreilles le groupe polonais Indukti avec le morceau Frieder, un petit morceau qui vous réveille à cette heure nocturne. N'est-ce pas Stéphane ? Oui, effectivement, et c'est vrai qu'il commence tout en douceur, il va vers quelque chose d'un peu plus agité, un petit peu comme le morceau que je vous ai ramené ce soir, avec Ziviolak, un autre groupe polonais, on reste du côté de la Pologne, dont la capitale est Varsovie. Merci, merci Joy Division de me rappeler avec ces titres d'album un petit peu ma géographie. Ziviolak, donc un groupe là aussi influencé un peu par la période médiévale, et je vous propose de vérifier par vous-même avec le morceau Femina. À l'instant, un morceau endiablé des Polonais de Ziviolak. C'était le titre Femina. Et effectivement, si je croise une femme qui a autant d'énergie, je crois que je tomberai sous le charme. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va nous arriver ce week-end, puisqu'on avait tenu à faire cette émission à l'occasion du Nouvel An russe. Et justement, ce week-end, il y a quelque chose. Et oui, on peut le fêter ce week-end sans partir en Russie. Il suffit d'aller au Delirium sur Avignon, qui fait deux soirées spécifiques Nouvel An russe, ce vendredi et ce samedi soir. Donc si vous avez envie de continuer dans l'ambiance vodka, caviar et musique russe, rendez-vous au Delirium. Caviar, saumon, autant que vous voulez, mais vodka, n'oubliez pas, avec modération, bien entendu. Par contre, la musique, vous pouvez vous en saouler à qui mieux, puisqu'effectivement, au Delirium, ce cabaret assez original d'Avignon, c'est toujours un bonheur. Sinon, si vous pouvez aussi aller dans un style un petit peu différent et un petit peu plus loin, puisqu'à Châteauneuf de Gadagne, ce samedi 17 janvier, il y aura le groupe Sexy Sushi, qui fait une électro assez décalée et assez originale. Donc pour ceux qui apprécient, ce sera à Châteauneuf de Gadagne, à la salle de concert Aquaba. Ce sera donc ce week-end. Et sinon, un petit peu plus loin, du côté de Nîmes, qu'est-ce qu'il y a déjà ? C'est à Caissargues, si je me rappelle bien. La zone d'activité, donc à côté de Nîmes. Et la Shadow Assembly fait une soirée spécifique avec un groupe fort fort sympathique qui est d'Aix-en-Provence, que je vous avais ramené la semaine dernière. Ce sont donc les Arch Dolls, une soirée donc électro-indus. Pour ceux qui ont envie de mettre du vinyle et du talc dessous, ce sera ce week-end à Caissargues, donc, et ce sera organisé par l'association Shadow Assembly, qu'on recevra d'ici une paire d'émissions et qui viendront nous parler un petit peu de leurs diverses activités, organisations de concerts et autres. Sinon, à Montpellier, au Secret Place, il y a aussi ce samedi 17 janvier, décidément, il va vous falloir faire un choix cornélien si vous voulez sortir ce soir-là, puisqu'au Secret Place à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier, il y aura les 16 Sinners, donc le projet alternatif de Benoît 16 du groupe Tam Trum. Et là, ce sera assez rock, rock-indus, plus électrique qu'électronique pour le coup. Et ce sera quand même assez sympa. Donc si vous êtes du côté de Montpellier, ne loupez pas ça. Sinon, je crois qu'on a fait le tour des concerts. Ah non, juste, j'oubliais, du côté d'Arles, si vous aimez le métal expérimental et que vous avez envie de faire un petit don au Secours Populaire, il y a au Cargo de Nuit à Arles le groupe O qui se produit donc pour la modique somme de 5€, et c'est organisé avec le Secours Populaire, donc vous faites une bonne action en allant écouter de la bonne musique. Donc vous avez de quoi occuper vos week-ends. Et la fin de mon écran s'illumine devant moi et la fin de l'émission arrive, et on va se quitter avec, comme d'habitude, quelque chose d'un petit peu décalé, d'un petit peu original. Puisque, avec toutes les musiques issues des steppes de la Sainte-Russie qu'on vous a ramenées ce soir, eh ben, on va continuer avec un chœur que vous connaissez sans doute, puisque ce sont les chœurs de l'Armée Rouge qui nous interprètent une musique qui est un petit peu comme notre Marseillaise, hein, on disait ça en antenne. La musique est absolument magnifique et les paroles sont trop débiles, du style « Allez tuer tous nos ennemis, versons leur sang dans nos champs », tout ça, enfin c'est vraiment trop con. Mais la musique est belle, donc on leur pardonne. Voilà, c'est l'hymne d'un pays qui n'existe plus, l'hymne national de l'Union soviétique. Prenez le temps de l'écouter et pas de l'entendre, vous en sortirez enchanté. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On vous souhaite aussi une bonne soirée. Une bonne nuit. Et à la semaine prochaine. Bye bye.